Audible, raconte-moi une histoire. Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande pour partie grandir, de l'ouest. Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière il de marcha voir dans choses, la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers. Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle. Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Béatrice Aubin ou la double innocence. Nous sommes au début des années 80. Béatrice a 20 ans. C'est une jolie jeune femme, un peu paumée, qui ressent très forcément un besoin d'ailleurs. Abandonnée par sa mère, recueillie par sa grand-mère, dans son village champenois, Romilly-sur-Seine, tout est gris, tout est terne aux yeux de Béatrice, qui elle voit sa vie en cinémascope. Alors à 16 ans, elle part. Le plus loin possible. Oui, quitter l'attendu, parcourir le monde, déguerpir pour remplir un vide. Béatrice est à la recherche d'elle-même, de tout ce qui pourra combler son manque d'amour, sa solitude. Mais les mondes qu'elle traverse ne sont pas aussi bucoliques qu'elle imagine. Ils peuvent même s'avérer dramatiques, sans pitié. Comme ce voyage en Malaisie qui va tourner à la tragédie. Pour possession de drogue dans sa valise, Béatrice est jetée en prison, jugée de façon expéditive et condamnée à mort par pendaison. Comment en est-elle arrivée là? Quel est donc ce piège dans lequel elle est tombée? Malaise en Malaisie, voici l'histoire tragique de Béatrice Aubin. Notre invitée aujourd'hui, Karen Berébi, l'une de ses avocates à l'époque de son emprisonnement, elle est devenue son amie. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Stéphanie Fromentin, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Visio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Madame, Monsieur, bonsoir. Une affaire de drogue qui émeut l'opinion, une affaire dont la victime risque le pire. Pour la première fois, une jeune Française a été condamnée à mort en Malaisie, arrêtée par la police il y a plus de 2 ans, avec 1,5 kilo d'héroïne en sa possession. Béatrice Aubin, 22 ans, est en prison depuis ce moment-là. Elle a été condamnée à la peine capitale en janvier et on ne la prend que maintenant. Ce 18 juin 1982, Christine O'Krent ouvre son journal de 20h avec cette nouvelle inouïe. En haut à droite de l'écran, on découvre le visage d'une jeune femme, d'une infinie douceur. De grands yeux marrons lui dévorent le visage, le cheveu est châtain, coupé en carré mi-long. La frange donne à son attitude le caractère d'une petite fille bien sage. Un visage mutin qui semble quémander de l'attention, dirait presque une enfant. Non, aucune malice ne transparaît sur son visage, pas même une once d'ironie. Au contraire, il se dégage d'elle une certaine insouciance, quasi puérile. En tout cas, rien qui ne corresponde à l'information transmise par les médias, mais tout précipite cette affaire dans un oxymore sous forme de question. Béatrice Aubin est-elle l'innocence coupable? Comment en effet a-t-elle pu se retrouver mêlée à un trafic de drogue au fin fond d'Asie du Sud-Est, condamnée à mort? La violence de la sentence contraste trop avec la douleur de la jeune femme pour que le motif en soit raisonné. Alors, quel a été le parcours de Béatrice qui a abouti à cette situation infernale? Autrement dit, qui est Béatrice Aubin? En 1976, elle a 16 ans. Depuis sa naissance, elle vit chez sa grand-mère, Marguerite Michelot, une femme austère qui l'adresse plus qu'elle ne l'éduque. Non pas qu'elle soit violente, mais elle n'est pas ce qu'on peut appeler une mamie gâteau. Après avoir été une maman solo, Marguerite est une mamie solo. Elle vit à Romilly-sur-Seine, près de Troyes, dans l'Aube. Paris n'est qu'à 1h15 à vol d'oiseau. Mais Marguerite n'a pas d'elle. Son univers, c'est juste à la grande rue principale où se concentrent un bureau de police, quelques boutiques, la poste, un prise unique, un marchand de journaux, 2 cafés, aucun cinéma, boulevard de l'ennui. C'est là qu'elle a passé toute son existence, banale, dans cette cité ouvrière qui subsiste chichement grâce à quelques industries mécaniques et quelques fabriques d'appareils ménagers. C'est là qu'elle élevait sa fille, Josette. Une enfant qu'elle a eue hors mariage et dont le père est mort très jeune dans un accident de voiture. C'est là qu'elle élève Béatrice. Toutes deux vivent petitement au premier étage d'une maison massive. Une pièce de 15 mètres carrés leur sert tout à la fois de chambre, de salon et de cuisine. Un lavabo fait office de cabinet de toilette. Les toilettes sont au rez-de-chaussée, spartiates. Or, Béatrice a besoin d'horizons, de perspectives plus lointaines, d'espace, besoin de respirer. Alors, à 16 ans, elle obtient l'accord du conseil de son lycée, bonne pour la vie active. Et pour s'activer, elle va s'activer. À peine libérée du joug scolaire, elle s'envole avec une amie pour l'Italie. Première étape vers l'ailleurs. Entre 1976 et 1979, elle vit de petits boulots et de voyages. Elle monte à Paris, comme on dit, où elle partage un appartement avec des amis libanais rue d'Anguin. Avec leur aide, elle devient secrétaire d'un riche saoudien. Pendant 6 mois, elle l'accompagne dans ses déplacements et gagne beaucoup d'argent. Sa grand-mère suit son parcours à travers les cartes postales que Béatrice lui envoie. Mais Marguerite ne parvient pas à se réjouir. Elle a peur pour elle, peur qu'il lui arrive malheur. Il faut dire que Béatrice voyage toujours plus loin, dans des pays toujours plus mystérieux. Turquie, Afghanistan, Birmanie, Roumanie, c'est la passion Béatrice, les voyages. Elle embrasse le voyage comme on entre en religion, sans s'apercevoir que c'est sans doute une fuite. Mais partir loin, c'est reproduire ce que les générations précédentes de femmes faisaient avec le mariage, quitter les parents. Béatrice épouse le voyage. Béatrice est heureuse, joyeuse, elle est libre. En 1979, elle décide de parcourir l'Asie, un continent qui la fascine. Sur une île paradisiaque du détroit de Malacca, en Malaisie, elle tombe amoureuse d'un mystérieux chinois, Eddie Tan Kim Soo. Un nouvel univers s'ouvre alors, celui de l'amour. Elle y plonge avec d'autant plus de délices qu'il lui offre un confort de vie, un vrai. Et très vite, il se projette, il dessine une vie à deux, ce qui passera par la bague au doigt. Il dessine l'avenir à deux, la vie est belle, Béatrice est dans l'évitation. De l'autre côté du globe, Marguerite Michelot n'est pas dans les mêmes dispositions. Loin de là, elle a des angoisses. Depuis quelque temps, elle ne reçoit plus de cartes postales. Un silence qui dure longtemps, trop longtemps. C'est derrière les murs de cette prison à Penang, en Malaisie, que Béatrice Saubin est détenue depuis le 27 janvier dernier. Béatrice, qui a beaucoup de mal à dormir, doit souvent repenser à son arrestation à l'aéroport de Penang. Elle transportait alors dans sa valise 534 grammes d'héroïne. C'est moi qui l'ai élevée. Ma petite fille n'a pas fait le trafic de drogue. C'était un piège qu'on lui a tendu. Parce que moi, j'ai horreur de la drogue. Hein. Quand elle rentrait de vacances, et elle a rencontré un Chinois là-bas, qui lui a fait passer sa valise pour rentrer sur Paris. Elle ne voulait pas, mais il l'a menacée de mort. Elle a pris la valise. Hein. D'un seul coup, le petit monde bien construit de Marguerite Michelot s'écroule. Elle en perd l'appétit et le sommeil. Elle le savait, Béatrice avait de gros ennuis en Malaisie. Oui, ce Chinois que la jeune fille a rencontré ne lui disait rien de bon à la vieille dame. Arrêtée le 27 juin 1980, au moment d'embarquer pour rentrer en France, Béatrice croupit maintenant depuis 2 ans et demi dans une prison de Penang. « Je suis innocente, mémé, viens me voir, je n'en peux plus. S'il me condamne, je me suicide. » Sa petite fille de 22 ans, qu'elle a couvée depuis sa naissance, qu'elle a protégée tant bien que mal des tentations malveillantes, son trésor. Le voilà condamné à mort, à l'autre bout du monde, sans aucun moyen de la joindre, dans un pays dont elle ne connaît ni les codes, ni la langue. Comment la rejoindre, elle qui n'a pas un sou d'économie, pourtant elle doit y aller, la voir, absolument. Mais c'est tout le village de Romilly qui est bouleversé. Personne dans la cité ne comprend ce qui a pu entraîner la gamine si loin. On comprend encore moins qu'elle puisse un jour se balancer au bout d'une corde. Des lettres de soutien affluent de toute la France au domicile de Marguerite, souvent accompagnées d'un chèque ou de quelques billets pour sauver votre petite fille, lui dit-on. Grâce à ses dons, elle parvient à réunir les 2 millions de centimes exigés par un avocat malais pour faire appel. Béatrice Aubin devient une égérie. Oui, la presse s'en mêle. Première française à être condamnée à mort par la Malaisie. Première condamnée à mort depuis l'abolition de cette peine en France un an plus tôt. Marguerite Michelot dans la cure de tous ses titres. Tout ce qu'elle voit, elle, c'est que cette médiatisation va pouvoir l'aider à récupérer sa petite fille, son bébé. Alors, non seulement elle s'exprime devant les caméras, mais surtout, elle autorise les journaux à la suivre dans ce qui va devenir le voyage de sa vie. Elle, qui n'a jamais quitté Robilly, sauf pour se rendre à trois quarts d'heure de train, s'apprête à parcourir 10 323 kilomètres et des heures d'avion. C'est le journal du dimanche qui emmène assez frais la sexagénaire en Malaisie et intercède en sa faveur auprès des autorités. Pour renforcer ses chances d'être écoutée, le journal a rassemblé dans un appel aux autorités malaises 62 signatures de personnalités venant de tous horizons politiques, religieux, philosophiques. Parmi eux, Louis Aragon, Gérard Depardieu, l'obstétricien René Friedman, Yves Montand, Simone Signoret, Raymond Aron ou encore Georges Wolinski. Le texte dit ceci. Une jeune Française, Béatrice Aubin, attend en ce moment la mort dans une prison malaise. Elle a été condamnée à la peine capitale. Nous respectons l'indépendance de la justice malaise et ne voulons pas, par notre démarche, minimiser le grave problème de la drogue, mais la pensée de la mort de Béatrice nous fait horreur. Quelle que soit sa faute, une jeune fille ne peut mourir ainsi. Aussi, nous sollicitons des autorités de la Malaisie la grâce de Béatrice et faisons appel à leur clémence. Le mouvement est enclenché. L'un des signataires, Pierre Bas, député RPR du 6e arrondissement de Paris, adjoint au maire chargé de la culture, se rend à l'Assemblée nationale pour demander au gouvernement d'agir. Forte de sa détermination et de tous ses soutiens, Marguerite ose l'impensable, contacter un ténor du barreau parisien. J'ai reçu le 24 juin 1982 une lettre de la grand-mère de Béatrice Aubin qui était un véritable appel au secours, me demandant d'intervenir dans cette affaire. Le mobile est simple, j'ai toujours été un adversaire résolu de la peine de mort, et dans la mesure où une jeune Française de 22 ans était condamnée à mort par une juridiction étrangère, j'ai estimé que mon devoir était simple, accepter sa défense et faire tout ce qui était en mon pouvoir pour essayer d'infléchir le destin. Maître Lombard va donc assurer la défense de Béatrice, gratuitement, par conviction. Le combat commence, Béatrice n'est plus seule. Le samedi 26 juin au matin, l'équipe du journal du dimanche se rend aux 4 rue Félix Faure à Romilly-sur-Seine. Marguerite Michelot les attend avec sa valise de toile bleue marine toute neuve, son sac de voyage et son paquet de petits fours soigneusement ficelés. Oui, les gâteaux, c'est pour sa gamine, elle les a achetés dans la boulangerie préférée. À 63 ans, Marguerite s'apprête à vivre la plus grande aventure de sa vie. Accompagnée de Vico Franco, reporter du journal du dimanche, elle passe se recueillir dans la petite église de Romilly avant de partir pour l'aéroport. À la fois digne et naïve, il y a quelque chose de poignant dans sa démarche quand elle s'avance comme ça dans les couloirs de l'aéroport en direction de la salle d'embarquement du vol 747 Air France à destination de Bangkok. Dans l'avion, son sac de voyage et son paquet de gâteaux qu'elle est sur les genoux, elle s'assoit, raide comme une lance, avec un rien de solennité. Et dans un murmure, on l'entend dire « Je me demande dans quel état je vais la trouver ». Je prends Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Je l'ai vu juste deux jours. Hein. On était dans un grand salon et on était surveillés de partout. J'ai causé un petit peu seulement avec ma petite fille qui était très heureuse de me voir, mais moi, c'était cruel pour moi. Hein. Elle est malade, ma petite fille. Elle a des petits bras. On dirait une petite fille de 2 ans. Mais c'est sa prison que j'aurais voulu voir, vous voyez, c'est interdit. Le 28 juin 1982, Marguerite Michelot, qui vient de traverser la planète, a atteint son objectif, voir sa petite fille, Béatrice, un crève-cœur. Surveillée et entourée par une demi-douzaine de censeurs, leur conversation se déroule en anglais. Marguerite ne comprend rien à ce qui est dit, mais elle voit Béatrice, enfin. La jeune fille semble tenir le coup. Elle a du cran, Béatrice. Il se dégage d'elle une espèce de sérénité qui ressemble par moments à un complet détachement. Sa grand-mère, elle, s'effondre. Elle l'a tellement aidée, cet enfant. Elle l'a recueillie pour lui éviter un destin malhonnête. Et elle la retrouve là, où elle a toujours craint de la trouver, dans la pire des situations. Ne t'inquiète pas, ma petite mémé. Oui, j'ai essayé de me suicider quand j'étais enfermée, mais aujourd'hui je veux vivre. Les prisons malaises ne ressemblent en rien aux prisons turques. On est loin de Minact Express. Mais enfin, la jeune femme est emprisonnée en attendant la mort. Elle reçoit la visite de journalistes malais et français. Derrière les grilles de parloir, elle se raconte. Fille unique, elle n'a pas connu son père. Ses parents se sont séparés alors qu'elle était très jeune. Elle a été élevée à 3 par sa grand-mère. Bref, une vie tranquille. Mais alors, comment en êtes-vous arrivé là ? J'ai été piégée. Je suis innocente. Les journalistes doutent. Parce qu'enfin, c'est très louche tout cela. Pourquoi ? Sinon, pour trafiquer. Comment peut-elle ignorer qu'elle prend des risques ? Elle raconte son arrivée dans l'aéroport de Kuala Lumpur ce 27 juin 1980. J'étais heureuse. Mon visa arrivait à expiration. Je rentrais en France pour le renouveler. Eddie devait me rejoindre à Zurich. Nous étions très amoureux, nous devions nous marier. J'ai mis mon sac sur le tapis roulant et la douane m'a arrêté. Quand ils ont ouvert ma valise, j'ai découvert en même temps que ces 4 sachets de poudre. Je ne savais pas ce que c'était. Ce n'est pas moi qui les ai mis là, forcément. C'est Eddie qui m'a offert cette valise parce qu'il disait que la mienne était trop vieille, trop abîmée. Il ne voulait pas que je voyage comme une mendiante. Alors, inconscience, provocation, adrénaline, naïveté. A-t-elle joué avec le feu et s'est-elle brûlée ou est-elle réellement innocente, victime d'un épouvantable piège ? Dès l'arrivée à l'aéroport, le ton est pourtant donné. Des affiches sont placardées sur toutes les portes. Que vous arriviez ou que vous partiez, vous ne pouvez pas les rater. Elles sont d'autant plus explicites qu'elles portent toutes le dessin d'une corde à nœud suivi d'un mot « drug ». Comme ça, c'est clair. Si vous détenez de la drogue, voilà ce que vous risquez, la potence. Peu importe de ce que vous voulez en faire, peu importe qui vous l'a vendu ou donné, avec 534 grammes, Béatrice n'avait aucune chance. Pour le juge qui l'a condamné à mort, seule a compté la matérialité des faits. Habituellement, les ressortissants occidentaux s'en sortent mieux. Ils sont emprisonnés pour de longues peines, mais là, la mort par pendaison, c'est une première. Il faut dire que Béatrice est arrivée au mauvais moment. Les autorités malaises sont sur le pied de guerre contre l'héroïne. Elles ne peuvent plus admettre que leur sol soit souillé par ce trafic de drogue, alors elles la répriment à tour de bras. Après s'être attaquées aux trafiquants locaux, les Malais ont décidé de se tourner vers les occidentaux. Alors qu'elle soit jeune, française ou femme, non seulement ça ne pèse pas dans la balance des arguments, mais c'est presque une circonstance aggravante. De toute façon, les autorités de Kuala Lumpur ont besoin de cet exemple. Béatrice s'est offerte sur un plateau, comme l'explique Maître Kumar, son avocat malais. The public prosecutor had Le procureur a demandé une peine dissuasive. En d'autres termes, la peine de mort pour Béatrice Aubin. Il espère que ce sera un exemple pour les trafiquants. Ils ne veulent pas que Penang ou la Malaisie deviennent une terre de transit pour les trafiquants. La drogue est un tel fléau pour les jeunes Européens en quête d'aventure et de mirage que les jeunes paumés se mettent à peupler les prisons d'Asie, Corée, Indonésie, Inde, Malaisie et surtout Thaïlande. La condamnation à mort pour Miss Saobin, comme le prononce un avocat malais, est une formalité. Car deux modèles s'affrontent, l'oriental et l'occidental. Chacun entretient son propre rapport à la vie et surtout à la mort. Pour les uns, elle est un objectif de vie, pour les autres, c'est une hantise. Des conceptions culturelles et sociales très différentes. La Malaisie est un pays démocratique. Il devrait y avoir moyen de faire changer le cours de l'histoire, comme l'espèrent Marguerite et son avocat, Maître Lombard. Situé au centre même de l'Asie du Sud-Est, ce pays est une monarchie originale, un cas unique. Alors que les autres royautés sont fondées sur le principe de l'hérédité, ici, le souverain est élu pour une durée de 5 ans. Avant l'indépendance de 1957, la Malaisie était sous contrôle britannique. Elle en a conservé les structures juridiques. Le pays était composé de 9 états gouvernés chacun par un roi, appelé sultan. Le roi de Malaisie est donc élu par l'assemblée de ces 9 roitelets. C'est pourquoi les deux avocats, le malais et le français, vont s'allier pour tenter d'obtenir, sinon la grâce pour Béatrice, du moins une peine de prison. Mais si l'appel est rejeté, la jeune française ne pourra plus compter que sur le droit de grâce du souverain régnant. Dans la prison, des coups de gong retentissent, lents, puissants, impressionnants. Béatrice les compte, un à un. 1, 2, 3, 4, à chaque heure. On sonne le gong dans la cour de la prison. Ça me fait drôle chaque fois. Dit Béatrice, je me dis que chaque coup me rapproche d'un cran de la corde à laquelle on va m'accrocher. Les journalistes du journal du dimanche lui posent cette question, toute simple et terrible. Tu as peur? Oui, bien sûr. J'ai l'air décontracté, confiante, gaie, insouciante. Peut-être même insouciante, mais tu ne peux pas savoir comment ça travaille là dans ma tête. Je crois bien que je vais y passer. J'en ai déjà vu partir pas mal pour le même motif. Pourquoi ferait-on une exception pour moi? Très tôt, ce mardi 24 août 1982, les gardes viennent extraire Béatrice Aubin de la prison de Penang. Direction le tribunal de Kuala Lumpur pour son procès en appel. Elle crie son innocence. Ses deux avocats, Maître Kumal, le malaisien, et Maître Lombard, le français, sont déjà sur place, concentrés. Maintenant, il faut infléchir le destin. Pour sa défense, lors du premier procès, Béatrice avait invoqué la manipulation à un mystérieux fiancé chinois qui se serait servi d'elle. Le juge ne l'avait pas cru. Donc là, inutile d'en reparler, même si c'est la réalité, non. La stratégie, c'est de susciter le bénéfice du doute. Les 3 juges de la cour d'appel ont tout pouvoir pour en décider et répondre à leur façon à la clémence réclamée par toute la population française. Le visage grave, impassible en apparence, la jeune femme, vêtue d'un tailleur jaune pâle, écoute attentivement la plaidoirie de son avocat. La peine de mort est manifestement excessive, injustement sévère. Béatrice n'a jamais été accusée avant pour ce motif. Et enfin, elle n'avait que 20 ans au moment de son arrestation. Le lendemain, mercredi 25 août, à plus de 10 000 km de là, Marguerite Michelot, sa grand-mère, se lève. Il est 5 heures du matin, elle branche son transistor et attend comme chaque jour depuis 2 ans. À 10 heures, la nouvelle tombe. Eh bien, en effet, c'est un immense soulagement pour Béatrice Aubin qui vient donc de sauver sa tête aujourd'hui devant la Haute Cour de Justice de Kuala Lumpur. In extremis, en effet, pourrait-on dire, car ce deuxième procès était bien pour elle celui de la dernière chance. Alors maintenant, elle est condamnée à la prison à perpétuité. En Malaisie, cela équivaut automatiquement à 20 ans de prison. Et cette peine peut encore être réduite pour bonne conduite. Son avocat malais a ainsi calculé qu'elle pourra sortir peut-être dans 11 années, et peut-être même un peu plus tôt, grâce à d'autres subtilités de la législation. Alors, Béatrice, est sauvée de la mort, oui. Seulement elle n'est pas sauvée de la prison. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire maintenant? Je voudrais bien que Béatrice rentre en France. Hein, parce que vraiment, Béatrice est innocente, elle n'a jamais fait de trafic de la drogue, hein, jamais. Hein. Est-ce que vous pensez qu'elle serait capable d'assumer sa durée de prison en Malaisie? Non. Elle se suicidera. Ça, elle me l'a toujours dit. Elle me dit, s'il me faut faire de la prison, je me suiciderai. D'ailleurs, elle a déjà voulu le faire. Hein. Est-ce que vous avez maintenant d'ores et déjà prévu des actions en vue de la faire venir en France? Ben, moi, je voudrais bien. Hein, On a écrit à M. Mitterrand, toutes les démarches ont été faites. M. Mitterrand suit le procès et... Enfin, Maître Lombard a dit qu'il ferait tout le nécessaire pour la faire rapatrier en France si elle a encore un peu de prison à faire. Hein. Parce que moi, j'aimerais mieux qu'elle soit en France. On pourrait tout au moins aller déjà la voir et que là, ça nous est impossible. Hein. Ça nous coûte trop cher. Mais aujourd'hui, vous êtes heureuse. Ah oui, très, très. Parce qu'elle avait une peur terrible, terrible d'être pendue. Hein, parce que c'est affreux, hein. C'est affreux, la pendaison là-bas. Une vie sauve, oui, mais la prison à perpétuité, une vie, vraiment? Le président de la cour, Toun Mohamed Soufiane, précise en rendant son verdict que Béatrice bénéficie de circonstances atténuantes. Ce verdict ne pourra être invoqué comme précédent dans des affaires à venir, d'autres, après elle, risqueront donc la potence. Marguerite n'entend qu'une chose. Béatrice a sauvé sa tête. Elle aimerait qu'elle rentre purger sa peine de prison en France. C'est tellement plus facile pour lui rendre visite. Malheureusement, aucun accord n'a encore été signé entre la France et la Malaisie pour ce genre d'échange. Seule la France et la Thaïlande ont signé une convention permettant aux Français condamnés à Bangkok de rejoindre les prisons françaises. Alors sur ce point, Maître Lombard reste très laconique et se contente de déclarer que la justice malaisienne lui paraît plus éclairée qu'auparavant. Béatrice retourne donc en prison, mais pas dans les couloirs de la mort. Elle se tourne vers Maître Kumar et l'embrasse sur les deux joues. « Vous avez fait de votre mieux, et il ne reste plus qu'à espérer la grâce royale. » Un ressortissant français l'a obtenu pour le bicentenaire de la dynastie Chakri le 27 mai 82 alors. Ses avocats l'envisagent, mais sans grand espoir. Et Béatrice ne craint qu'une chose, qu'on l'oublie au fond de sa prison, au fond de l'Asie, seule. Sur la porte de sa cellule, où elle pénètre ce soir-là, Béatrice Aubin, matricule KAJ177, aperçoit un autre chiffre. 1993, sa date de sortie de prison prévue, elle aura alors 34 ans. Premier contact ce matin avec le sol français, la cohue des journalistes pour Béatrice Aubin. Retour après 10 ans derrière les barreaux d'une prison en Malaisie pour trafic de drogue. Soulagement total donc pour sa famille aujourd'hui, mais aussi jolie panique en fin de matinée à l'aéroport de Roissy. Putain, je suis complètement bouleversée, complètement. Vous êtes contente quand même de rentrer ? Béatrice Aubin ne dira pas un mot de plus. Vers 11h ce matin à l'aéroport de Roissy, protégée de la cohue des journalistes par ses deux avocats, Maître Lombard et Maître Karen Berébi, elle va très vite s'engouffrer dans une voiture pour enfin, peut-être, profiter de sa nouvelle liberté. Béatrice Aubin est de retour en France, de retour après 10 ans de captivité en Malaisie pour un trafic de drogue qu'elle a toujours nié. En ce dimanche 7 octobre 1990, la surprise est générale. Béatrice Aubin est libérée. À 16h42, elle passe le porche de la prison. Elle est comme groggy. Elle a du mal à respirer. Ses yeux sont exorbités. Elle est libre. Elle a mis un voile noir sur son visage pour se cacher de la meute des journalistes. Ils la pressent de questions. Ils leur demandent dans leur langue. Elle leur demande dans leur langue de la laisser en paix. Mais la liberté est encore pavée de quelques formalités. Après 11 ans en Malaisie, Béatrice n'a plus de passeport en règle et doit passer encore de longues heures à l'immigration malaise avant de pouvoir monter dans l'avion et rentrer en France. Cette libération est un soulagement autant qu'une immense satisfaction pour ses avocats. La fête d'un jus d'orange. C'est à 11h30, le lendemain, qu'elle franchit enfin la porte de sortie de l'aéroport de Roissy. Et là encore, c'est la bousculade. Il fait exceptionnellement chaud ce jour-là. Un été comme pour permettre à Béatrice de se réadapter au climat européen, elle qui a vécu pendant 10 ans dans la moiteur du sud-est asiatique. À 30 ans, elle a passé le tiers de sa vie dans les prisons malaises. La personne qui est entrée en prison il y a 10 ans et celle qui est sortie n'ont plus rien à voir. Une enfant est entrée en prison, une femme en est sortie, responsable. Elle n'est plus tout à fait la même, mais pour autant est-elle tout à fait une autre. Elle dit vouloir s'employer à lutter de son mieux contre ce fléau qu'est la drogue. Elle n'est plus la même personne, mais qui était-elle avant et que va-t-elle devenir? Pour l'instant, l'annonce de cette libération est un tel événement qu'elle entame une grande journée des médias. PPDA la reçoit sur leur plateau du 20h d'Antenne 2, et lui, visiblement très ému. Qu'est-ce qui est le plus difficile, justement? C'est de réapprendre la liberté ou de réapprendre l'Occident avec tout ce qui a changé depuis 10 ans? Parce que vous avez dû découvrir énormément de progrès en l'Occident. Oui. L'Occident. De retrouver les gens que j'aime, pleurer avec les gens que j'ai quittés, mais que je vais retrouver, bien sûr. Je suis pas bannie de la Malaisie, c'est-à-dire je peux y retourner. Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, dormir. Ces jours-là, la France entière découvre Béatrice Saubin et la découvre vivante, autrement en tout cas que sur un cliché de photomaton. Il découvre une jeune femme discrète, au regard perdu. Le sourire aux lèvres, mais un oiseau fragile qui retrouve la civilisation, la liberté, la vie, la normalité. Pour tenter de sortir définitivement de sa prison, Béatrice va écrire, côtoyer les stars de la jet-set, vivre enfin sa vie en cinémascope. Le 29 septembre 1991, comme une ironie de l'histoire, Béatrice reçoit un prix littéraire remis par la commune du Cannet dans les Alpes-Maritimes qui récompense un ouvrage relatant un événement contemporain fondé sur du vécu, le prix Vérité, pour son deuxième livre, Quand la porte s'ouvre. On a appris par ailleurs la mort de Béatrice Saubin à l'âge de 48 ans. Cette jeune femme avait passé 10 ans dans les geôles de Malaisie après avoir été condamnée à mort. De retour à Paris, elle avait publié plusieurs ouvrages, dont L'Épreuve, dans lequel elle racontait son combat. Nous l'avions reçu à cette occasion. L'annonce de son décès, ce 9 novembre 2007, arrive dans un coin de l'actualité. Au détour d'une phrase, comme sa vie, furtive, elle n'avait que 48 ans. Enfermée trop jeune, partie trop jeune, Béatrice Saubin est morte comme elle a vécu, à la marge. Elle succombe à une crise cardiaque. Certaines personnes vivent peu, mais pleinement. Il n'y a pas d'adverbe pour qualifier ce que fut le vide de la vie de Béatrice Saubin. Son temps de liberté, elle l'a passé à tenter de remplir une béance originelle, comme une vie de Danaïde. Heureusement pour sa mémoire qu'un groupe de personnes qui lui étaient attachées se sont battues pour qu'elle ait une sépulture décente, près de la tombe de sa mère, une vraie dernière demeure, bien à elle, une stèle sobre, sans pierre tombale. You were never past your turn. Another lesson, yeah. To learn that I'd fall for a lie. You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Oh, you're dead in paradise. Now you never see. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire de Béatrice Aubin, dont nous allons parler avec notre invitée Karen Berryby. Bonjour. Bonjour. Vous étiez l'une de ses avocates à l'époque de son emprisonnement, et Béatrice Aubin est devenue votre amie. Je voulais vous poser la question tout simple, qui est Béatrice Aubin? Et il se trouve que vous avez apporté des photos personnelles, qui sont très émouvantes quand on a raconté l'histoire. Alors moi j'avais notamment cette photo de Béatrice Aubin. Là, elle est dans l'avion, donc là vraiment, ça y est, c'est la libération, elle est libre, c'est quelques moments après sa libération, donc direction la France, et là il y a une vraie sérénité. Elle en dit des choses, cette photo. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette photo? Alors, elle me parle d'avenir, parce que Béatrice avait projeté, on l'a aidée, mais elle avait vraiment projeté beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est sorti de prison dans le vide. D'abord, elle était attendue, elle était entourée et aimée. Pour quelqu'un qui était une presque orpheline, et en tout cas quelqu'un qui avait eu une vie, une enfance très difficile, elle avait constitué un véritable réseau d'affection et de chaleur humaine, de gens qui véritablement voulaient l'aider. Donc elle atterrissait, si vous voulez, au sens plein du terme, pas seulement de l'avion, mais elle atterrissait dans un monde qui était un monde accueillant. Donc ça, cette photo me dit ça. Et puis, la façon dont nous sommes partis, la façon dont ça s'est passé était très émouvante, parce qu'on est sortis de prison. Et quand on est sortis de prison, j'ai demandé à Sœur Nicole, qui était une sorte de deuxième maman pour elle, de venir nous rejoindre à Kuala Lumpur. Et en fait, elles ont passé toute la nuit dans la même chambre, dans le même lit, à parler, vraiment comme si c'était une maman. Et donc Béatrice, il y avait le père Jean, il y avait Sœur Nicole, il y avait moi, et en fait elle était totalement réchauffée de l'intérieur par des gens qui en fait l'aimaient, tout simplement. Alors on va continuer à feuilleter l'album photo. J'avais pas du tout prévu ça, mais c'est très bien, vous êtes arrivé avec l'album, on va le feuilleter ensemble. Et à travers ces photos, on va avoir plein de questions. Devant la prison, hein, c'est bien, on est bien d'accord, on voit... Là on est à l'intérieur de la prison, on est sur le point de sortir. Et il y a une jeune femme habillée de vert, je la reconnais. Ben oui. C'est qui? Ben c'est Isabella Gianni. Eh ben oui, j'ai bien reconnu. Alors, beaucoup de soutien, beaucoup d'émotions en France, et parmi les soutiens, donc je comprends qu'il y a Isabella Gianni. Comment ça se passe? Alors je vous explique. Oui, expliquez-moi. Je suis l'avocat d'Isabelle depuis un certain nombre d'années, à ce moment-là. Et donc, Béatrice est toujours présente. C'est-à-dire que je suis à Paris, mais Béatrice est présente. Elle est présente dans toutes les interventions que je peux faire depuis Paris ou même en Malaisie. Et donc Isabelle, qui est une cliente, c'est vrai, mais qui est aussi une amie, un peu comme Béatrice, c'est-à-dire qu'on a des liens affectifs très forts, évidemment que je lui parle de Béatrice. Je lui parle beaucoup de Béatrice. Et je lui dis, Isabelle, de surcroît, qui pourrait aujourd'hui mieux jouer son rôle si un film est fait? Donc, bien sûr qu'elle n'a pas été en Malaisie pour ça. Ça, c'est clair. Isabelle a été parce que c'est quelqu'un de généreux. Et elle a eu un élan. Quand je lui ai dit « Venez en Malaisie », elle est venue en Malaisie. D'ailleurs, c'était très amusant parce qu'elle est venue sans bagage. Avec sa robe verte, là. Elle est venue avec un petit sac, qui était comme un sac de course, si vous voulez, un petit. Et à l'intérieur du sac, il y avait juste deux scénarios qu'elle devait lire pour l'avance sur recette, qu'elle a d'ailleurs laissé, à l'hôtel, puisqu'elle les a lus. Et donc, elle avait rien. Elle est arrivée comme elle était, directement, de l'avion. Donc, c'était extraordinaire. Enfin, c'est Isabelle. Et donc, et sur place, on a dû acheter deux robes de plus, évidemment, parce que comme elle en avait qu'une, voilà. Et donc, j'ai dit à Isabelle, ce serait formidable. Et quand nous sommes arrivés en Malaisie, je me suis dit, il faut quand même que je fasse faire à Isabelle le tour de la Malaisie. Ouais. Et d'autant plus, si le film se fait, que ça permettra qu'elle connaisse tous les lieux par lesquels Béatrice est passée. Et là, vous avez une photo, parmi les photos que je vous ai apportées, du dernier endroit où Isabelle a dormi, l'hôtel de Penang. Mmh. Et à l'hôtel de Penang, il y a, c'est sur la terrasse, c'est une photo que j'ai faite d'Isabelle, à l'hôtel de Penang, exactement à l'endroit où Béatrice prenait son jus d'orange quelques heures avant d'être arrêtée. Alors, Béatrice, vous êtes entrée en contact avec elle, quand, à quel moment de toute cette vie judiciaire et carcérale? Alors, tout au départ, parce qu'en fait, je gérais quelques dossiers pour Paul Lombard, qui à l'époque était avocat à Marseille, à Paris. Et le jour où la nouvelle est tombée, je dirais, j'étais là. Et Paul Lombard m'a dit, Karen, vous faites le lien. Donc j'ai fait le lien depuis le départ. Au départ, j'ai fait juste le lien entre Paul Lombard qui était en Malaisie, un certain nombre d'autorités ici, et donc, si vous voulez, je faisais... Il faut savoir qu'à l'époque, on mettait à peu près 2 heures à 2 heures et demie pour avoir un coup de téléphone de Malaisie en France. Mmh. C'était très compliqué, donc il fallait vraiment avoir des relais à Paris pour pouvoir entrer en contact, soit avec le ministère de l'Intérieur, enfin avec les différents ministères ici. Donc c'était important, évidemment, d'avoir un lien ici. Donc, au départ, c'était ça. Et puis, il se trouve, et ça, c'est complètement indépendant de Paul Lombard, que moi-même, j'avais des affaires commerciales qui n'avaient rien à voir avec cette affaire en Malaisie. Et donc, je suis allée en Malaisie 6-8 mois après, et j'étais à Kuala Lumpur, et là, je me suis dit, étant à Kuala Lumpur, il n'est évidemment pas question que je prenne pas un avion pour Penang pour aller la voir. Ce que j'ai fait. Et là, bon, est né un lien très fort entre elle et moi, alors qu'au départ, c'était un lien sympathique. Mmh. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé véritablement, alors là, à m'investir totalement dans, je dirais pas ce dossier, parce que pour moi, c'est plus une personne qu'un dossier. Oui, alors justement, parlons-en. Le dossier, c'est extrêmement simple. Elle a dans sa valise, donc c'est son fiancé, c'est ça? Qui lui met, c'est une autre personne, glisse de la drogue dans la valise. Elle ne peut pas s'en apercevoir, Béatrice Sobin. Elle peut s'en apercevoir si elle ouvre la valise ou c'est vraiment trop caché. Alors, il y a eu, si vous voulez, deux versions. Oui. Il y a eu la version de l'aéroport, où là, effectivement, les douaniers ont dit on ne voit rien et ils ont dû déchiqueter la valise. Et puis, il y a eu la version de la première audience, où là, les intervenants ont prétendu qu'effectivement il y avait un gonflement de la valise. Alors je ne sais pas, j'étais pas là. Bon, moi, Béatrice m'a dit qu'effectivement on voyait rien du tout. Mais c'est tout ce que je peux vous dire, parce qu'il y a eu vraiment deux versions. Enfin, on voyait rien du tout, plus précisément quoi. On voyait rien du tout. De l'extérieur, valise fermée. Oui, mais ça veut dire que la drogue était dans la valise ou dans un double fond? Ah non, dans un double fond. Ah, ben non, de toute façon, elle était dans un double fond. C'est ça, double fond. Ah oui, donc, c'est sûr. Elle ne pouvait pas l'avoir. Non, elle était en fait dans deux doubles fonds. C'est-à-dire qu'il y avait quelques sachets dans un double fond et d'autres sachets dans un deuxième double fond. Ah non, on ne pouvait pas l'avoir, évidemment. Non, pas du tout. Ça veut dire que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Un voyageur, si on lui planque de la drogue dans un double fond, un triple fond, je ne sais pas quoi, il peut ne pas s'en apercevoir. Moi, je peux vous dire en tout cas que quand j'ai pris l'avion, et je l'ai pris 10 fois pour la Malaisie, donc je l'ai pris souvent, j'allais dans l'avion, je prenais mes bagages qui étaient fermés à double tour. Parce que je craignais justement ce type d'intervention. C'était une crainte. Et je faisais extrêmement attention également à l'hôtel. Effectivement, c'était possible. Alors, on va écouter une archive. Maître Lombard, voilà, qui était aussi son avocat. Et qui nous parle des conditions de détention. Alors c'est important parce qu'évidemment, une partie de la vie de Béatrice Sobin, ça a été en prison. Les Malaisiens se sont bien conduits dans cette affaire. Leur jurisprudence est rude, mais ce sont des gens qui assurent à leurs détenus des conditions de détention que bien les prisons françaises auraient enviées. Il faut quelquefois avoir le courage de ramer à contre-courant et dire la vérité. Elle a fait du sport, du jogging, elle a essayé de se cultiver. Aujourd'hui, alors que j'avais quitté une jeune fille de 20 ans, c'est une femme dans la plénitude de ses moyens qui nous revient. Quelle satisfaction. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les conditions de détention en Malaisie sont exceptionnelles. Ça veut dire vraiment alors, dans le bon sens du terme? Dans le très bon sens du terme. C'est pas mis à caisse presse, quoi. Non. Okay. J'ai été à Chiang Mai. J'ai été dans les prisons du Caire pour les mêmes raisons. Chiang Mai en Thaïlande. Mm-hmm. Et dans les prisons du Caire. Et je peux vous dire qu'en Malaisie, c'est tout à fait extraordinaire. Au point que, et là je vais rebondir sur un sujet peut-être qui peut vous intéresser, au point que quand le Quai d'Orsay, en la personne de Roland Dumas, m'a proposé de tenter de faire revenir Béatrice Saubin en essayant de négocier un retour, Béatrice a refusé catégoriquement. Et moi, j'ai refusé encore plus catégoriquement qu'elle, parce qu'en contrepartie, il fallait envoyer des Malaisiens actuellement en prison, qui étaient à ce moment-là, pardon, en prison en France, oui, pour trafic de drogue. Et nous savions, je savais, qu'à peine arrivé en Malaisie, il serait pendu. Donc, bien évidemment, il y avait deux bonnes raisons pour ne pas faire venir Béatrice. Et la troisième, c'est que Béatrice avait des conditions de petite princesse en Malaisie. Je veux dire, elle a envie d'un poulet au pamplemousse, on lui faisait un poulet au pamplemousse. Ah oui, je déjeunais avec elle au parloir tous les jours, quand j'y étais, c'était meilleur que Hilton. Donc si vous voulez, effectivement... Et elle a eu un parcours tout à fait étonnant. D'abord, il faut que je vous dise quelque chose. Béatrice est quelqu'un de remarquablement intelligent. C'est pas une petite oie blanche, du tout. C'est pas une pauvre petite innocente qui s'est trouvée prise. Non, c'est une fille intelligente qui a été malheureusement armée dès l'enfance pour se battre, pour exister, et qui sait se battre, qui a su se battre. Donc c'est pas du tout quelqu'un de totalement candide. C'est un mélange de candeur et de cynisme, Béatrice. Parce qu'elle a l'enfance de quelqu'un, elle a eu une enfance qui est une enfance qui l'a armée. Donc ça, c'est une chose. Et ce qui est intéressant aussi quand on parle d'elle, c'est de dire que son intelligence est une intelligence toujours orientée. C'est-à-dire qu'elle apprend la langue très vite. Avant d'entrer en prison, déjà, elle est totalement bilingue en anglais. Elle apprend non pas le petit chinois, le dialecte, mais le mandarin, qui est quand même beaucoup plus difficile. Bien sûr qu'elle maîtrise le dialecte, mais le mandarin. Elle lit énormément. Elle commence à donner des cours de jogging, ce qui n'existe pas en Malaisie. Elle prend en charge le jardin. Elle crée le jardin de la prison. Et c'est d'ailleurs dans ce jardin que vous voyez les photos avec Isabelle Adjani. Et elle est très fière de montrer à Isabelle tout ce qu'elle a fait dans ce jardin, parce qu'il y a plein de petits arbustes, etc. Oui, je vois ça. Hein. Et enfin, au moment où elle quitte la prison, c'est-à-dire au moment où elle est libérée, elle est en charge du dispensaire. Et son seul regret, sa seule tristesse quand elle part, c'est qu'elle laisse ses malades, tous ces gens en fait qui comptent sur elle. Donc elle a un parcours en prison tout à fait inouï. Oh, et il y a une chose qui est aussi intéressante, c'est de voir comment l'ambassade de France a évolué, l'ambassade de France sur place. Au début, on l'ignore totalement, c'est un brûlot. Et à la fin, elle est invitée au 14 juillet, et j'ai des photos où elle est en robe du soir, au 14 juillet, la prisonnière malaise. Donc, pourquoi échanger cet état extraordinaire de princesse avec l'état d'une... petite détenue française dans une prison française, non. Et le directeur de la prison, est... comment avec elle? Alors, il y a eu plusieurs directeurs sur 10 ans, évidemment. Oui, c'est vrai. Mais le dernier a été absolument formidable, Toine Nic. Et ce Toine Nic a été quelqu'un qui l'a soutenu et qui a beaucoup aidé, justement. Et il y a eu le père Ravenec et Sœur Nicole qui l'ont soutenu. Tiens, on va écouter quelque chose à ce propos. Deux religieux, le père Ravenec et la Sœur Nicole, vont la voir régulièrement depuis le début de son incarcération. J'ai l'âge d'être sa mère et je m'y suis attachée très fort depuis que je la connais. J'ai vu que c'était très dur pour elle Et j'ai trouvé qu'à son âge, j'aurais jamais eu le cran de supporter une vie sans liberté et sans beaucoup d'espoir. Donc voilà des conditions de détention que vous venez de nous exposer, qui sont exceptionnelles, effectivement, et puis des soutiens humains. Ça, c'est fort aussi, bien sûr. Alors, dans les soutiens humains, je voudrais dire qu'il y a les vrais et les faux, comme toujours. Alors, les vrais, eh ben, les vrais, ça a été... Par le père Avenec, la sœur Nicole. Bien sûr, absolument. Et sœur Nicole, pardon. Eux, ils ont été merveilleux. Mais il y a eu des soutiens également en France. Et oui. Et parmi les soutiens en France, moi, je ne veux pas passer sous silence deux ou trois noms. Le nom de Jacques Hersant, qui à l'époque était le patron de France Soir, oui, qui a été quelqu'un de formidable, qui a été totalement saisi par le cas de Béatrice. Au départ, il y avait deux journalistes ont été la voir, ont fait un reportage dont Béatrice m'a relaté et que j'ai stoppé immédiatement parce que ça n'allait pas du tout. Mais dites donc, la liberté de la presse, qu'est-ce que vous en faites ? Non. Quand la liberté d'une détenue est en cause de la liberté de la presse, je suis désolée. Mm-hmm. Il s'agissait de quelque chose de plus grave et je venais de déposer une demande de grâce. Donc, d'accord. Pour moi, il n'y avait pas de débat. Et en plus, Jacques Hersant l'a très très bien compris. Je l'ai rencontré et il m'a dit « je vous soutiens à 100%. » Non seulement il a mis de côté l'article, ensuite il a fait une grande série d'articles sur la drogue et il a financé des voyages et il est venu en Malaisie. Pardonnez-moi de vous bousculer, les deux autres noms, s'il vous plaît. Parce qu'après, ça va être la fin de l'émission. Christian Fechner, le producteur, qui a été merveilleux, et Jacques Chirac. Tiens donc. Dites-moi plus. Mais écoutez, Jacques Chirac, quand je suis allée le voir, il était à l'époque Premier ministre, et il allait se présenter contre François Mitterrand, peu de temps après. Vous savez qu'il a démissionné, mais enfin, il était quand même, on savait qu'il allait se présenter. Et je suis allée le voir un petit peu maligne, en me disant... Allez, je vais lui donner ce petit sucre d'orge en lui disant, mais écoutez, si vous occupez d'elle, peut-être que vous pourrez à ce moment-là l'accueillir sur le tarmac. Et Jacques Chirac m'a dit, je ferai tout. S'il faut, je prendrai un avion du Glam avec vous pour aller la chercher. Mais c'est Monsieur Mitterrand qui ira la chercher sur le tarmac. Président de la République. Oui, mais c'est lui qui avait tout fait, c'est Jacques Chirac qui a tout fait. Bon. Il nous a énormément aidés. Bon. Il nous reste que quelques secondes, 40 secondes, j'ose vous poser la question quand même. Sa mort. Jeune. Très jeune. Alors je vais vous dire... Crise cardiaque ? Non. Elle est morte d'amour. C'est-à-dire ? Elle a vécu une très très grande histoire d'amour avec quelqu'un en rentrant de Malaisie. Mm-hmm. Cette histoire a duré un certain nombre d'années. Puis, comme certaines histoires, elle s'est étiolée. Béatrice ne l'a jamais supportée. Mais elle en est morte. Elle s'est laissée mourir. Je pense. De chagrin. Oui. Ce qu'on appelle mourir de chagrin. Oui. Merci infiniment, Karine Deréby, pour tous ces éclairages et ces informations que vous nous avez données autour d'une histoire qui avait beaucoup mobilisé en France. Avec une grande émotion. Je me souviens comme si c'était hier. Merci, au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de Béatrice Aubin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles des sites de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Henri Bérec qui était à la technique aujourd'hui.